Isanganiro. Vous écoutez la radio Isanganiro, c'est le moment de suivre le journal en français, dont voici d'abord la charpente. Un accident de roulage sur Venue Ngozi ce jeudi a déjà fait 5 morts et des blessés. Les secours continuent à évacuer les victimes. Notre correspondant nous donnera plus de détails. Plus d'une centaine de journalistes sont regroupés à Muramvya pour une séance de moralisation avec le numéro 1, Burundi. Entre autres thèmes à aborder, c'est le comportement que les journalistes devront adopter pendant la période électorale. Le directeur de la régie des œuvres universitaires à l'Université du Burundi persiste et signe que les étudiants admis au campus Kiriri devront payer 50 000 francs burundais pour le logement et la restauration. Ce responsable dit que l'université ne peut pas prendre en charge ses étudiants. Et vous aurez droit également à la chronique judiciaire qui nous parlera de l'hypothèque. Les manettes sont tenues par Jean de Dundeisenga. À la présentation, vous retrouvez Alida Ndaikeza. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore. 5 personnes mortes, 5 autres blessées et 11 kiosques endommagés. Tel est le bilan d'un accident de roulage survenu ce jeudi matin sur la colline Maruri de la commune Gashikanwa en province Ngozi. Un camion du PAM a dérapé suite à un problème de freinage et a occasionné ces dégâts. Le bilan pourrait s'alourdir car les secours continuent le travail d'évacuer les victimes. Apollinaire Muzagara vient d'être contacté par Placide Niyomongere. L'accident s'est produit dans un tournant qui termine une forte pente sur la colline Maruri de la même commune Gashikanwa. Selon des sources sur place, on dit que cet accident a été causé par un problème de freinage. Donc les freins se sont déréglés et le camion a dérapé en endommageant 11 kiosques dans lesquels se trouvaient des personnes. Et pour le moment, on compte 5 personnes déjà mortes, dont le chauffeur tanzanien de ce camion, 5 blessés, ainsi que d'autres objets endommagés par ce camion. Est-ce qu'il y a des actions de secours qui sont entrées d'être mené sur place? Justement, dès le début de cet accident, beaucoup de policiers sont arrivés là-bas. Il y a même des agents de secours de la Croix-Rouge du Burundi. Et la population aussi est très nombreuse est venue pour essayer de sauver les vies humaines. Mais jusqu'à présent, les travaux de secours continuent. Mais est-ce qu'on peut savoir si peut-être il y aurait des personnes qui ont été tirées de cet endroit vivant? Beaucoup pensent qu'il peut y avoir d'autres personnes toujours sous les décombres parce que ce camion n'est pas tiré de cet endroit-là. Il y a une machine dépanneuse qui tente de tirer son camion, mais malheureusement, suite aux fortes précipitations qui tombent à ce moment, ce plus ne facilite pas son travail car au lieu de tirer son camion, la machine glisse. À vous entendre, le bilan peut s'alourdir. Justement, le bilan peut s'alourdir parce qu'au moment où je vous parle, le chauffeur est toujours coincé dans son camion. Il est mort lui aussi. C'était notre ami Apollinaire Muzagara depuis la province de Ngozi. La mesure exigeant les nouveaux étudiants de l'Université du Burundi, récemment admis au campus Kiriri, de payer 50 000 francs de logement est irréversible. Propos du directeur de la régie des œuvres universitaires, après que ces étudiants aient suspendu les cours parce qu'ils disent être incapables de trouver cette somme. Anatole Nzinahora affirme que la régie, dont il est directeur, n'est pas en mesure de loger et nourrir ses étudiants. Suivez-le, joint au téléphone par Elinibel Nibigira. Effectivement, nous avons adressé un communiqué avec tous ces étudiants de l'IEPS et de la FESI et département TIC de pouvoir payer une avance de 50 000 francs, ce qui correspond à plus ou moins le coût de la restauration et du loyer des mois. En effet, ces étudiants de l'IEPS exigent d'étudier étant logés au campus Kiriri parce que ces départements sont au campus Kiriri. Comme ils sont sur le nouveau régime de pré-bourse, ils ne sont pas donc boursiers, ils ne peuvent pas être logés comme ça. Ils doivent payer, nous garantir qu'ils auront son pré-bourse. Ou bien même, il y a même ceux qui peut-être ne vont pas demander cela, ou bien qui ne l'obtiendront pas, parce que ça sera lié à des conditions pour avoir son pré-bourse. Alors pour les loger, il faut que nous puissions avoir une garantie de paiement. Où est-ce qu'ils vont trouver ces 50 000 francs alors qu'ils n'ont pas encore perçu la pré-bourse? Vous pouvez me poser la même question, de me demander. Les autres étudiants de premières années qui ne sont pas logés, qui étudient au campus Rohero, campus Gitega Centre, et ils étudient mais ils ne sont pas logés. Dans les cartons, ils se nourrissent et ils louent des maisons. Donc, leurs moyens, je ne sais pas. Vous voulez dire que les chambres dans les campus sont louées? Les chambres sont louées depuis longtemps. Hein. Même ceux qui sont logés sous l'ancien système de bourse, il y a un certain montant qu'on prélève sur leur bourse pour la location des chambres. Mais pour ceux qui sont nouveaux, ils ne sont pas subventionnés. Le coût de la restauration et du logement sont à leur charge. Je ne vois pas pourquoi ils seraient revisés, à moins que j'ai une garantie que j'aurai le paiement. Qu'est-ce que vous voyez qui pourrait être fait pour que ces étudiants puissent regagner les auditoires? Ce sont des cas individuels. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de chercher à payer, même s'ils payent une avance qui n'est pas seulement de 50 000 francs, on pourrait étudier le cas individuel. C'était Anatole Nzinahora, directeur de la régie des œuvres universitaires à l'Université du Burundi. L'organisation PASEM appelle les institutions gouvernementales à enseigner la loi à la population et l'amener au respect de celle-ci. Le président de cette organisation s'inquiète que si tel n'est pas le cas, il y a risque dans les prochains jours de dégénérescence de l'insécurité dans le pays. Faustin Dikoumana s'appuie sur le bilan sécuritaire et administratif du premier trimestre de cette année. Il indique que des personnes ont été assassinées, d'autres ont été portées disparues. Il dénonce aussi l'intolérance politique qui a caractérisé ces trois derniers mois. C'était dans un point de presse qu'il a animé ce jeudi. Suivez Faustin Dikoumana. Et les causes, c'est d'abord aussi l'ignorance des instruments de loi. Il n'y a pas justement de campagne de sensibilisation sur les instruments de protection des droits de l'homme. L'impunité des auteurs, c'est visible. L'intolérance est politique. Jusqu'à maintenant, il y a des gens, même au niveau de l'administration, qui ne comprennent pas qu'ils doivent protéger les citoyens, quelle que soit leur opinion politique. Il y a la mauvaise gestion de l'implication des civils ou des jeunes dans les, par exemple, les comités mixtes de sécurité ou dans en matière de sécurité. Parce qu'on dit que les forces de l'ordre doivent être neutres au niveau politique, mais quand ils doivent être relayés par des jeunes affiliés aux partis politiques, c'est une contradiction déjà. Aussi, l'autre problème, c'est ce problème lié au manque de dialogue entre la classe politique. Ce qui fait qu'il y ait toujours une tension, c'est de la classe politique. On le voit dans les discours, la radicalisation continue. Et dans le comportement d'un fois du pouvoir, on voit qu'il y a le pouvoir toujours en alerte. Mais ce n'est pas ordinaire d'autoriser, par exemple, les fouilles nocturnes sans mandat. Alors que ça n'a pas été le jour où on était dans une période de tension grave. C'est une contradiction. On voit que peut-être les autorités voient qu'il y a quelque chose. Donc, ils sont en alerte. Ça veut dire que ce manque de dialogue, finalement, ce sont les citoyens qui doivent toujours payer. L'impact, c'est que la situation actuelle par rapport au processus électoral qui est annoncé, il faudrait prendre des mesures parce que dans un contexte d'intolérance politique visible, même perceptible chez certains agents de l'administration, dans un contexte d'intolérance politique entre les jeunes affiliés à certains partis politiques, la situation peut engendrer beaucoup de tensions, même arriver même à un côté de vie humaine. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le journal continue sur la radio Isanganiro. Une délégation suisse en visite au Burundi a été reçue en audience ce jeudi par le bureau des deux chambres du Parlement. Au centre de leur entretien, l'évaluation des formations dispensées à l'intention du personnel de ces deux institutions. Suivez Natacha Antille, chef de cette délégation. Nous avons eu aujourd'hui un échange avec le Parlement dans le cadre d'une discussion que nous avons. Comme vous le savez, la Suisse est un petit pays qui vit avec des populations très diverses. Nous sommes très attachés de ce fait à ce que les institutions qui représentent toute la population puissent jouer leur rôle et dans le respect des principes d'inclusivité et de participation. Donc c'est dans ce sens que la Suisse soutient des ateliers visant à renforcer les compétences du Parlement burundais dans le cadre de sa fonction en tant qu'organe législatif afin d'assurer de manière compétente son travail et d'avoir vraiment les ressources nécessaires pour promouvoir et garantir un cadre de vie favorable pour tous les Burundais et les Burundaises. Nous avons discuté aujourd'hui de manière technique et je pense que ce type d'appui soit utile, non seulement au Parlement, mais aussi au peuple burundais. Oui. Et c'est dans ce cadre que nous avons discuté des possibilités de collaboration future et où nous avons aussi discuté des limites du soutien que la Suisse peut accorder dans ce cadre. Et nous souhaitons en tout cas plein succès aux parlementaires du Burundi pour jouer le rôle important qui est le leur dans leur travail législatif. Les Pays-Bas soutiennent le développement du Burundi dans trois domaines, dont la santé de reproduction. Cela a été dit par l'ambassadeur hollandais dans une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi. Harry Verweij indique que des succès ont été enregistrés en matière de planning familial et se réjouit des décisions qui sont prises individuellement par les familles dans ce domaine. On l'écoute. Les Pays-Bas au Burundi a trois objectifs très particuliers. On est ici pour aider le développement du Burundi. C'est un pays dans un coin d'Afrique qu'on n'avait pas bien connu avant, mais il y a une vingtaine d'années, on a commencé avec trois axes très importants de développement. La sécurité alimentaire, la planification familiale et l'état de droit. On a visité quelques projets néerlandais au pays, on a fait une descente sur le terrain, on déficite quelques familles et qui ont choisi leur approche de planification familiale. Et j'étais vraiment bien touché à leur décision personnelle dans ce domaine très sensible. J'ai constaté qu'on a eu beaucoup de succès dans ce pilier de planification familiale. Parce que c'est quoi le succès? Le succès, ce n'est pas que nous, comme ailleurs, on fait quelque chose. Le succès, c'est que les individus, les Burundais, ont choisi leur même une approche sur un thème très sensible, de planification familiale. Et ça, pour moi, c'est un petit succès de programmation familiale. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Vous pouvez également nous suivre sur le www.isanganiro.org et le journal continue. La langue swahili est méprisée au Burundi alors qu'elle est un atout pour les chercheurs d'emploi en vue d'être recrutés depuis que le Burundi est membre des pays de la communauté est-africaine. Cela a été dit par Dorothée Nshimirimana, professeure de langue swahili à l'Université du Burundi et encadreuse de l'association Chawakibu. C'était lors de la remise des certificats aux lauréats qui ont été formés en langue swahili. Suivez-la, elle est traduite en français par Ornella Mucho. Uyu munsi tukoraniye hano kugira ngo dushiye kuraba ukuntu igiswahili cyo kiratera imbere cyane cyane. Nous sommes réunis pour voir comment la langue swahili s'améliore et surtout en ce qui concerne l'enseignement secondaire et supérieur. Ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, les étudiants peuvent se présenter dans des congrès internationaux swahilophones et rien ne les différencie avec d'autres étudiants des pays membres de la communauté est-africaine grâce à ces formations. Mais des défis comme le manque de matériel pour enseigner le swahili s'observent et on signale également le manque des enseignants et professeurs compétents dans les écoles et universités tant publiques que privées. Pour ce, on demande au gouvernement de trouver solution à ces défis. Hanyuma n'ibikoresho birabuze, harabuze ibitabo, harabuze ibikoresho umuntu ashobora gukoresha mu kwigisha. Plus de 100 journalistes et porte-parole des institutions se réunissent depuis ce jeudi au chef-lieu de la province Muramvya en séance de moralisation sur le comportement adopté avant, pendant et après les élections. Selon le ministre de la Communication et des Médias, Serge Ndaïra Guidje rappelle à cette catégorie de la population qu'il faut travailler de façon professionnelle en cette période. On l'écoute. Vous le savez tous que l'on s'achemine vers une période électorale où tous les Burundais vont s'exprimer par rapport à la constitution burundaise récemment amendée. Tout Burundais est appelé à donner sa contribution pour le bon déroulement de ce référendum. Quelle serait la contribution des journalistes avant, pendant et après ce processus? Personne n'ignore que quelquefois les informations peuvent construire ou détruire. C'est pourquoi nous sommes appelés ici à bien suivre les exposés afin que l'on puisse contribuer pour le bien-être du pays. Vous le savez, vous qui exercez le métier, que quelquefois l'information tue ou cause de problèmes dans le pays. C'est pourquoi l'on doit profiter de cette occasion pour être modèle. Ce qui pourra même encourager vos responsables, vu la contribution que vous aurez donnée pour bâtir notre pays. Radio Isanganiro Chronique. Le créancier qui a hypothéqué son immeuble en cas de crédit en banque dispose d'un délai d'une année pour chercher un acquéreur de son choix. S'il a tardé à désintéresser la banque, celle-ci dispose en revanche d'une prérogative de pouvoir demander au tribunal de commerce d'autoriser le directeur des titres fonciers de procéder à une vente aux enchères après ce délai. Maître Fabien Segatois explique que cela profite pour les deux contractants de l'hypothèque puisque les intérêts sur le crédit sont désormais limités, suivant la loi relative aux opérations bancaires. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Wukeneza. Lorsqu'une banque octroie un crédit, elle exige une garantie, exactement une hypothèque immobilière. Le commerçant ou toute personne qui a hypothéqué sa maison ou sa propriété foncière retrouve la pleine propriété de son immeuble quand il a déjà désintéressé la banque. La nouvelle loi de 2017 régissant les activités bancaires limite les intérêts sur les crédits jusqu'à la somme qui reste à payer, ce qui n'était pas le cas auparavant, comme l'explique Maître Fabien Segatois. Dans le temps, on arrêtait les intérêts que lorsque on allait au tribunal. À ce moment-là, on arrêtait de calculer les intérêts. Mais aujourd'hui, les intérêts ne peuvent pas dépasser la somme qui restait devoir à la banque. Donc, le capital principal ne compte plus. Et ça, c'est très bon pour les commerçants. Je crois qu'ils ne vont pas beaucoup se plaindre. Si le créancier ne parvenait pas à désintéresser la banque pour retrouver la propriété de son immeuble à l'échéance, la banque ne faisait que demander l'autorisation au tribunal de commerce afin de procéder à la vente aux enchères. Désormais, un délai d'une année est accordé au créancier de l'hypothèque pour pouvoir chercher un acquéreur de son choix en vue de désintéresser sa banque. Continue, Maître Segatois. Une fois qu'il n'a pas payé, dans la nouvelle loi, on a prévu un délai qu'on donne à celui qui a pris la dette de pouvoir chercher lui-même un acheteur de la maison pour qu'il puisse désintéresser la banque. Et ce délai est d'une année. Le président du tribunal de commerce peut autoriser au conservateur des titres fonciers de procéder à la vente aux enchères de l'hypothèque sur demande de la banque, et cela si le créancier n'a pas parvenu à trouver un acquéreur. La banque s'adresse au président du tribunal de commerce pour délivrer une ordonnance au conservateur des titres fonciers pour qu'il puisse vendre la maison aux enchères. D'après la nouvelle loi, entre l'ordonnance du président du tribunal de commerce et la vente, normalement, il ne s'écoule qu'un seul mois. Maître Fabien Segatois considère que ces innovations profitent tantôt pour la banque, tantôt pour le créancier de l'hypothèque. une autre subtilité est que la banque ne peut pas concourir dans la vente publique, à moins que son bien risque d'être vendu à vil prix. La banque ne peut pas se porter acquéreur dans la vente publique du bien qu'on est en train de réaliser pour se faire payer. Seulement, la loi a prévu un seul cas où la banque peut se porter acquéreur, c'est lorsque elle voit que la maison sera vendue à vil prix. Avant de vendre aux enchères, le conservateur procède d'abord à l'expertise de la maison pour connaître la valeur minima de la parcelle qu'on est en train de vendre. Dans tous les cas, les deux co-contractants gardent la possibilité de pouvoir décider à l'amiable le sort de l'hypothèque afin que la banque soit facilement désintéressée. Dans la prochaine chronique, nous parlerons de l'arrêté royal datant de la colonisation belge qui posait des polémiques lors de la vente aux enchères de l'hypothèque, ce qui ne sera plus le cas selon Segatwa avec la nouvelle loi régissant les activités bancaires. Merci Alain Désiré Ukeneza et Maître Fabien Segatkoa qui nous parlait de l'hypothèque. Et voilà, merci de nous avoir suivis. C'est là qu'on se sépare. Excellent après-midi à tous.